J'ai essayé de l'appeler. Monsieur Colimaçon ! Monsieur Colimaçon ! C'est comme s'il ne m'entendait plus. Griffant l'arc-en-ciel du bout de ses ailes de papier crépon, Colimaçon fait l'avion. Fait l'avion. Malgré son vertige, il danse et voltige comme un papillon. Colimaçon fait l'avion. De bon, léger, content, au gré du vent. Voilà qu'il klaxonne après les cigognes, après les pigeons, Colimaçon fait. C'est triste. Je crois qu'on ne le reverra jamais. Je le gomme. En voilà déjà deux qui ne feront pas la fête. Mais toi, Saperlipopette, qui as-tu rencontré ? Pamela la grenouille. Et alors ? Alors rien. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai failli m'évanouir. Elle sent tellement mauvais. Pour lui faire plaisir, je lui avais apporté un brin de muguet. Regarde, les clochettes sont devenues toutes noires. Elles n'ont pas supporté son odeur. Burk !